avant d'être toi, je prendrai soin de montrer mon rallye sans prendre la mer. Je viendrai pourri jusqu'à ce que tous mes refrains finissent en la la la la. Le 9 et le 3, plus c'est de moitié de Paris qui veulent en tirer cala. Mais que fait la police à la temps que je vis, ce caleçon est entré, ce caleçon n'est pas là. Deux, trois mesures suffiront à confirmer si je suis bien tout faire cacher. Qui va vite vis-à-vis des autres qu'on est bien dans ma peau, dans ma Versace. J'en ai gracié, épargné, laissé gagner, c'est fini, le cadavre est là. C'est pas la Libye mais le cadavre est là. Y'a que moi qui braque ici dans ma favela. J'ai dit salam à ma rue, à ma tête quand le femme a dit c'est quand qu'on s'y. Je m'allume et c'est la queue comme toutes tes cousines qui veulent déchirer mon jean. RDV avec nous, ma moyenne, le souci dans un cocktail au mabillon. Deux, trois JV, chacun sa cale, dans un carré VIP, au papillon. Mon âge dans ma banlieue, c'est chacun ses bourbiers, c'est chacun chez soi. J'ai cherché quelqu'un pour me soigner, mais tout le monde est malade autour de moi. Je me souviens de papa, de maman, comme tout est facile chez les remparts. Les chlasses m'empattent, je les sens pas, ta poids s'empatte, je les rends pas. Et je recule et j'avance parce que le mal m'a tiré, que Shétan me suit. Tellement de choses m'ont déçu, mon frère en vie, je n'ai plus fatigué, je suis. On devrait tous se calmer, en tout cas sûr que pour Sofiane il est grand temps. Au rendez-vous, pour la bougie, ni cas ni million d'euros, pour mes 30 ans. Laisse-moi respirer de l'air fumé, un peu de verre, c'est pas encore fini. Des neuf à l'aura, le moral rabaissé comme une Lamborghini. Moi je suis jamais caché, même des armées sans jumeaux, sans duplicata. J'ai tout gâché, c'est la cata, je suis fâché, ratatata. Y'a des endroits, des histoires, des équipes, des bourbons sur quoi faut pas monter. Croyez au milieu du million de promesses sur lesquelles on peut pas compter. La vie c'est pas comme on voulait, du sang de rat couler pour finir à l'aise. C'est mon secteur, je crois que c'est de la merde. La Calabre, 93.